Times. Histoire orale de la Grande Dépression de Stud Sterkel. Adaptation Méboada et Benoît Giros. Épisode 6. Vivre en dépression, faire du fric. I am a nicotist. I am a capitalist myself. But I think that money rules to many human beings. La dépression ne m'a pas affecté financièrement. Au contraire même. Le succès est venu juste au moment où ça s'est effondré. Il faut profiter de la crise actuelle. Des disponibilités de main-d'œuvre que provoque le chômage pour poursuivre l'exécution de ces grands travaux qu'attend le pays. Tous ceux qui s'y connaissent un peu en musique méprisent la musique d'ambiance. Je n'ai aucune oreille. C'est la raison pour laquelle je suis si doué pour la radio. 1969. Avec mon magnétophone et mon micro, je pars tel un pèlerin à la rencontre de citoyens américains qui ont vécu la Grande Dépression. Pour certains, ça a été l'effondrement, pendant que ça a profité à d'autres. Question de hasard, question de chance, question d'individualisme, la Grande Dépression a duré longtemps. Et s'il s'agissait essentiellement de savoir comment survivre à cette décennie noire, il s'agissait aussi, pour chacun, de se réinventer à chaque pas. Vous savez, la dépression, pour moi, ça a été une bénédiction. Quand le choc est arrivé, quand j'ai perdu ce pourquoi j'avais travaillé, j'ai trouvé refuge dans mon art. Mariné dans une situation déplorable dans laquelle les gens souffraient au point de se suicider, non. Je me suis perdu dans l'art. La souffrance qu'apportait la perte économique finirait par passer. Ce genre de choses, c'est comme une éclipse de soleil. Les gens ont regardé, puis se sont suicidés, ne comprenant pas que ça passerait. L'atelier d'un peintre et sculpteur de portraits. Des yeux perçants sont fixés sur nous. Autoportrait de l'artiste en jeune homme. D'autres yeux illuminent les ténèbres de la pièce. Ce sont des peintures à l'huile. Né en Norvège, Knut Andersen est arrivé à Chicago il y a 45 ans, en 1924. Ce fut une aventure grandiose. L'art dans un pays nouveau. À l'époque, de nombreuses personnalités de la politique et de la finance lui commandèrent leurs portraits. Ses yeux vagabondent d'une œuvre à l'autre, d'un visage à l'autre, tandis qu'il évoque ses souvenirs. Je me sentais plein de piété et j'étais donc en paix. Bien sûr, ce coup frappé à la porte de l'économie, c'était un choc. Mais j'ai survécu. Je n'ai cessé de me donner des conseils sur la meilleure manière de survivre. Oui. Les années de dépression ont été difficiles. J'ai réussi à m'en sortir avec une commande, par-ci, par-là. Avec des jours sans rien manger? Ce sont des jours dont je ne me souviens pas. Le respect que j'ai pour moi-même interdit à quiconque de savoir que j'ai pu connaître ça. J'avais un atelier en duplex, j'avais Beethoven, j'avais Bach. Rien d'autre ne comptait, je travaillais dans la cathédrale de l'esprit. Mon corps avait sans doute besoin de nourriture, mais je n'en savais rien. Un jour, dans l'atelier, un rat s'est précipité sur mon bras et m'a mordu. Heureusement, un visiteur avait laissé une bouteille de whisky sans me le dire. La bouteille m'a bien servi, lui ai-je dit après. J'ai versé du whisky sur la blessure. C'était un accident, comme la dépression. J'évite de penser aux accidents. J'ai coproduit une pièce en octobre 29. Hermann Schömlin. Elle a démarré au Bijou Theater. Je me tenais de l'autre côté de la rue et je regardais les gens entrer dans le théâtre. Ils avaient l'air abattus, ils étaient silencieux, sombres. Je me demandais ce qu'ils avaient, est-ce qu'ils avaient déjà eu des échos de la pièce. Ce n'est que le lendemain, quand j'ai lu les journaux pour voir les critiques, que j'ai appris que la bourse s'était effondrée. La pièce n'a pas duré longtemps. Mais je me souviens très bien de ce premier soir. Hermann Schömlin était producteur et metteur en scène de théâtre à New York. À deux ou trois blocs de Times Square, on voyait tous ces hommes silencieux qui faisaient la queue pour avoir un peu de café ou un beignet qu'on leur donnait depuis de gros camions avec le nom du journal du soir peint dessus en grosses lettres. Ils portaient des vêtements élimés, mais on voyait que ça avait été de bons vêtements. Dans leur visage, je suis resté là longtemps à les regarder. Il y avait ce regard opaque, vide, sans expression qui pour moi exprimait la misère humaine. À chaque coin de rue, il y avait un gars qui vendait des pommes, des gens de théâtre, que je connaissais, qui avaient eu des responsabilités, qui avaient perdu leur boulot, perdu leur foyer, perdu leur famille. Et pire que tout, leur confiance en eux-mêmes. Des hommes brisés. Il y avait un homme que je connaissais. Il était fier de sa petite famille, de sa femme et de ses trois enfants. Il avait été trésorier du théâtre où on avait joué une de mes pièces en 26. Il avait beaucoup de relations, il connaissait tout. Le genre d'érudition qu'on peut rencontrer chez les gens de théâtre. Un homme vraiment très compétent. C'est en 31 que je l'ai croisé dans la rue. Je suis passé à côté de lui. Et puis j'ai réalisé qui c'était. Je me suis retourné, je lui ai couru après. Il avait baissé les yeux en passant près de moi. Je lui ai pris le bras. Ses yeux étaient vides, morts. Il a juste murmuré « ça fait plaisir de te voir ». Il ne voulait pas me parler. Je l'ai suivi, je l'ai convaincu de bavarder avec moi. Il m'a dit que sa femme l'avait mis dehors. Que ses enfants le méprisaient tellement, parce qu'il ne pouvait plus payer le loyer, qu'il avait dû partir, quitter la maison. Il vivait dans une honte perpétuelle. Pour moi, c'était la chose la plus cruelle dans la dépression. Pire encore que de n'avoir rien à manger, accepter l'idée qu'on n'est bon à rien. Quoi qu'on ait été avant. La dépression ne m'a pas affecté financièrement. Au contraire même. Le succès est venu juste au moment où ça s'est effondré. Mais ça m'a pourtant affecté dans tout ce que j'ai vu. Je faisais de l'argent, alors qu'il y avait tout ça. Plus tard cette année-là, j'ai produit et mis en scène Grand Hôtel. Ça a été un succès surprenant pour moi. Tout d'un coup, alors que ça faisait des années que mes poches étaient vides, je faisais 7000 dollars par semaine. Et pendant ce temps-là, le pays s'enfonçait dans la crise. J'ai pris conscience des effets de la dépression, de la déprime qui s'emparait des rues de Broadway, des magasins qui fermaient, des boutiques transformées en échoppes où l'on pout manger pour pas cher, des banqueroutes, des petites boîtes transformées en maisons de jeu avec des machines automatiques. Broadway était toujours très vivant la nuit. On y voyait les mêmes foules, mais c'était plus pareil. Leurs vêtements étaient plus usés. Plus qu'avant, ils traînaient. Ils marchaient sans but, dans les rues, sans lieu où aller. Et il y avait ces longues files d'hommes silencieux, acceptant une tasse de café, un beignet, et qui repartaient. Ça me troublait vraiment. Je gagnais de l'argent et qu'est-ce que je faisais pour que ça change? J'ai toujours remarqué la capacité des gens à oublier. Je pense que même les gens qui ont connu les horreurs les plus grandes ont oublié, émotionnellement oublié. La mémoire de la souffrance est extraordinairement évanescente. Je me demande si les cicatrices psychologiques sont vraiment visibles. Je sais que beaucoup de gens ont réussi à survivre parmi mes contemporains. Je me demande s'ils se souviennent de leur souffrance, de leur honte. Je ne sais vraiment pas. Quand vous vous rencontrez, justement, est-ce que vous évoquez le sujet entre vous? Jamais. Jamais. J'ai essayé parfois. Mais c'est un sujet qui n'intéresse personne. Je ne crois pas que ce soit quelque chose que les gens cherchent à éviter. C'est juste un mal de ventre qui est passé. Ça ne les intéresse pas d'en parler. C'est la peur, je suppose. La peur pour son boulot. Que quelqu'un puisse vous le prendre. La peur de ce qui se passe dans la rue. Tout le monde a peur. Les riches comme les pauvres. S'il y avait à nouveau une dépression, ma peur, c'est qu'on ait un état fasciste. Chaque fois que je vais à Central Park, je vais au zoo pour enfants. Il a été construit pendant la dépression. C'est un endroit vraiment exquis. J'y vais souvent. Je ne peux pas m'empêcher de ne pas me rappeler. Regarde. Ça vient de la dépression. Parce que des hommes n'avaient pas de travail, parce qu'on leur a donné un moyen de gagner de l'argent, on a fait de bonnes choses. J'ai quitté Chicago en juin 1929, juste quelques mois avant le crack. William Benton. Chester Bowles et moi, nous nous sommes lancés dans la pub avec un local de 500 mètres carrés. Juste nous deux et quelques filles le 15 juillet 1929. C'était le jour où la bourse a atteint son sommet. Quand je démarchais des clients, mon graphique dessinait comme une croix. L'une des lignes commençait en haut à gauche et finissait en bas à droite. C'était l'indice de la bourse. L'autre ligne, celle de l'agence Benton & Bowles, c'était nous. La ligne commençait en bas à gauche et finissait en haut à droite, une croix. Au moment où la bourse tombait dans les abysses, Benton & Bowles touchait les étoiles. Quand j'ai vendu l'agence en 1935, c'était la plus grosse agence du monde. Son ambition était de prendre sa retraite à l'âge de 35 ans, millionnaire. C'est ce qu'il a fait à 36. Un de mes amis avait une théorie. Le progrès naît des catastrophes. De toute catastrophe, il est possible de tirer profit. Moi, j'ai tiré parti de la dépression, mais d'autres aussi. Quand les choses vont bien, les gros clients n'ont pas tendance à écouter les jeunes ni les idées nouvelles. En 1929, la plupart des manipulateurs de Wall Street ont appelé ça l'ère nouvelle. Ils sentaient qu'on était au début d'un boom perpétuel. C'est évident, un artifice pour embellir vos jolis dents, le dentifrice, le seul qui puisse faire un délice d'un doux baiser pris au vol, le dentifrice dentole. Cette année-là, les ventes de Pepsodent avaient baissé de 50%. Les dentistes parlaient de dents Pepsodent. C'était trop abrasif, ça enlevait les mailles, selon eux. La publicité à l'ancienne n'avait plus l'air de marcher. Pepsodent était notre client. En mai 1929, j'ai quitté mon bureau, j'ai marché jusqu'à mon appartement. C'était une nuit très chaude. Toutes les fenêtres étaient ouvertes. Et j'entendais des voix monter des appartements. Je me suis promené et j'ai remonté la rue. Il y avait 19 radios allumées et 17 passaient le feuilleton Amos et Andy. La première étude d'audience dans l'histoire de la radio, probablement. Je suis allé voir M. Lasker, le patron de Pepsodent, le lendemain matin. Et je lui ai dit qu'il fallait acheter Amos et Andy. On l'a fait aussitôt. Pepsodent est passé dans l'émission et en quelques semaines, la marque faisait la plus grosse sensation de l'histoire du show business américain. Le seul truc plus célèbre qu'Amos et Andy, c'était le vol de Lindbergh au-dessus de l'Atlantique. Les ventes de Pepsodent ont explosé. Non, le crack n'a jamais touché Pepsodent. Ses ventes ont doublé, quadruplé. Benton & Bowles s'est lancé à fond la caisse dans la radio pour ses clients. On ne remarquait pas la dépression, sauf que les produits de nos clients plongeaient et qu'ils étaient prêts à prêter l'oreille à de nouvelles idées. Ils ne nous auraient jamais donné notre chance si le climat avait été bon. La dépression m'a profité. Mon revenu doublait chaque année. Quand j'ai quitté Benton & Bowles, je gagnais pas loin d'un demi-million de dollars. C'était plus que ce que gagnaient les stars de cinéma en 1935. La dépression m'est passée au-dessus. Moi, je suis pas la bonne personne pour en parler. Je ne suis pour rien dans la création d'Amos et Andy. J'ai juste eu l'idée de l'utiliser. Après, j'ai cherché un peu et j'ai acheté la Muzak Corporation. Je n'aurais jamais pu l'acheter sans la dépression. C'était une société en perte de vitesse. Je parle de l'année 1938. Je suis allé voir les 5 commerciaux. On n'en avait encore que 5 à l'époque. Ils m'ont dit, on couvre déjà 80% des lieux qu'on peut faire à New York. On ne voit pas où on pourrait encore aller vendre. Je leur ai répondu, pourquoi vous ne faites pas aussi les coiffeurs et les médecins? Oh, on ne peut pas mettre de la musique d'ambiance dans des endroits pareils. J'ai dit, vous pensez tous comme ça? Il y avait un jeune qui ne travaillait là que depuis 6 semaines. Et il a dit, « Non, je pense que c'est une bonne idée. » J'ai dit, « Bon, alors les 4 autres, vous feriez mieux de partir, de vous trouver un autre boulot. Et ce jeune-là sera mon directeur des ventes. Il y aura de la musique d'ambiance dans des endroits nouveaux. » Bien sûr, ça a propulsé Muzak en haut des ventes. On faisait 2 millions de dollars annuels et sans avoir mis de l'argent en plus dans la boîte. C'est la dépression qui m'a permis de faire ça. La première installation, c'était dans une banque à New York. Le directeur m'a dit, les gars travaillent la nuit et c'est très déprimant quand il n'y a plus la lumière du jour. Ils veulent écouter la radio, mais je ne veux pas. Je leur ai dit que je leur passerai de la musique d'ambiance. Maintenant, il y en a dans toute la banque. Il y avait une fille qui était réceptionniste au département des prêts personnels. C'est là que les gens venaient emprunter de petites sommes d'argent où ils ne revenaient jamais sauf s'ils ne pouvaient pas payer leur traite. La fille m'a dit, « C'est moins sinistre avec la musique. » J'ai inventé l'expression « de la musique faite pour qu'on ne l'écoute pas ». C'est le slogan avec lequel on vendait Muzak. C'était la première musique créée délibérément pour que les gens ne l'écoutent pas. C'était un nouveau genre de musique de fond. C'est pour ça que ma mère, qui était bonne musicienne, la méprisait tant. Elle n'en aurait pas mis chez elle. Tous ceux qui s'y connaissent un peu en musique méprisent la musique d'ambiance. Je n'ai aucune oreille, c'est la raison pour laquelle je suis si doué pour la radio. La plupart des gens aux États-Unis n'ont pas d'oreille, comme moi. Et pas d'oreille du tout. J'ai été propriétaire de Muzak une 20aine d'années et je l'ai vendu en faisant des millions de profits. La musique d'ambiance crée des habitudes. Tout homme d'affaires rêve d'un produit qui crée des habitudes. C'est pour ça que les cigarettes, le Coca-Cola et le café marchaient bien. Même le savon crée des habitudes. Le savon était mon meilleur produit quand j'étais dans la pub. J'ai toujours pensé, encore 6 mois, encore 3 et j'arrêterai tout. Mais le business doublait chaque année. Et chaque année, je me disais, dès que j'aurai ce nouveau client, je ne travaillerai plus comme ça. Pensez-vous que pendant la dépression, la vente à crédit a eu un effet négatif sur les gens? Le paiement à crédit, c'est notre business. Nous ne pensons pas que le crédit soit un problème, surtout en temps de dépression. Quand il y a plus de gens sans travail, eh bien, il est plus facile de trouver de bons vendeurs. Plus il y a de chômeurs, plus il y a de candidats. En multipliant le nombre de commerciaux, on compensait largement le fait qu'il y avait moins de gens qui achetaient. Le progrès par la catastrophe. La dépression, ça a été l'ère de gloire de Tony. 1970, Tony Soma est restaurateur à New York. À son arrivée en 1905, ce jeune immigré italien souffre de la faim. Dans les années 20 et au début des années 30, on le surnomme Broadway Tony. Il tient un bar clandestin très fréquenté par les milieux artistiques. J'avais 3 immeubles, 3 blocs à l'est de la 6e avenue. Je les ai vendus pour 54 000 dollars en 1929. Alors pour moi, 29, c'est ma meilleure année en Amérique. La gloire, l'argent et des amis à l'appel. J'ai des amis célèbres de tous les continents, d'Europe et de Hollywood. Aucun n'a été ruiné? Ils n'ont pas été ruinés. Ils sont devenus fous. Ils étaient toujours riches. Les Américains ne sont jamais ruinés. C'est une question de chiffres. C'est vrai, j'avais des actions. Mais le papier reste du papier. L'action de Citibank, quand j'en ai acheté, était à 518 dollars. Elle est tombée à 35. La même action, les mêmes gars. C'était les chiffres qui avaient changé. Pour moi, l'argent, c'était du papier. Mon ego vaut tout l'argent du monde. Je suis un égotiste. Je suis moi-même un capitaliste. Mais je pense que l'argent gouverne trop d'êtres humains. Non, je ne suis pas éclairé. Je suis juste un capitaliste. Après tout, c'est un pays capitaliste. Et j'ai le droit de vivre comme un capitaliste. Mais je sais que la bourgeoisie, les conservateurs, ont fait en sorte que la dépression dure. Mes affaires n'ont jamais si bien marché que pendant la dépression. Je n'ai jamais changé mon mode de vie. Je suis un homme très humble. Les flics ont fait des descentes chez vous? Des descentes? Non, jamais. Un jour, un gars entre. Il voulait savoir ce que je faisais là avec l'alcool. On ne faisait rien. On buvait. Ce n'était pas considéré comme répréhensible par les autorités. Sauf si c'était du mauvais alcool. Ou s'il y avait de la drogue ou des prostituées. Chez moi, c'était un endroit où on pouvait venir s'asseoir et boire de l'alcool, prendre une bouteille à sa table. Je n'ai jamais calculé. C'était mes hôtes. Ils avaient leur ami. Absolument rien de criminel. En somme, vous n'avez pas souffert de la crise? Non, je n'ai jamais souffert. La vie n'est pas faite pour souffrir. La dépression est toujours là pour certains. La dépression est une maladie mentale. Il y a des queues pour le pain aujourd'hui. Mais ils touchent de l'argent, payé par ceux qui travaillent. Dans l'ancien temps, les pauvres étaient plus ignorants. Ils n'avaient pas la télévision, il fallait qu'ils travaillent 16 heures par jour, et ils n'avaient pas le temps. Au Plaza Hotel, où j'ai travaillé à mon arrivée en Amérique, mon salaire c'était 1 $ pour 16 heures par jour. On me fouillait quand je sortais pour voir si j'avais quelque chose dans ma poche. Un jour, ils ont trouvé sur moi une boîte de bonbons. Alors ils m'ont viré. Aujourd'hui, les pauvres ne sont pas coupables. Juste malades. Mentalement malades. La pauvreté est toujours un signe de paresse. Mais en 29, vous avez vu des gens sans abri? Non, je n'ai jamais vu de bidonville. Et des vendeurs de pommes? J'étais occupé. J'ai travaillé. Juste après la conversation, ce fervent adepte de la philosophie yoga s'est mis sur la tête et a chanté la Donna Immobile. My mother told me before she passed away, said, son, when I'm gone, don't forget to pray. L'attachement aux choses, la peur de perdre ses biens, est un héritage des années 30. Ainsi, une vieille dame fonctionnaire à Washington achète-t-elle des terrains dès qu'elle en a les moyens. Si ça arrive à nouveau, j'aurai de quoi vivre. Elle se souvient des bananes pourries dont elle se nourrissait près des quais de la Nouvelle-Orléans. J'ai fait l'erreur de dire au contremaître que je m'étais inscrit au cours du soir de la Northwestern University. Il m'a dit... Monsieur Ford ne paie pas les gens pour qu'ils aillent à la fac. Hein. Vous êtes viré. Prochain épisode avec Justin McCarthy, qui a quitté la fac en 33 et travaillé dans une usine d'assemblage Ford dans une banlieue industrielle près de Chicago, et Charles Stewart Mott, qui est à 94 ans, le membre le plus âgé du conseil d'administration de General Motors. Il n'avait aucun droit d'occuper les usines. C'était illégal. Les propriétaires avaient le droit de demander au gouverneur de les mettre dehors. Ça n'a pas été fait. C'est pareil aujourd'hui. La population locale autorise tout ce désordre. Elle laisse faire les voyous. Hard Times. Histoire orale de la Grande Dépression. De Stott Sterkel. Adaptation Méboada et Benoît Giros. Sixième épisode. Avec Jackie Berroyer, Stott Sterkel, Jean-Paul Faré, William Banton, Johan Leysen, Knud Andersen, Yves Gerbollet, Herman Shumlin, Bruno Labrasca, Tony Sommer, et les voix de Dominique Guillard, Roger Dumas et Chloé Becker. Bruitage, Sophie Bissantz. Équipe de réalisation, Catherine Déreté, Jean-Benoît Tétu, Annabelle Brouard, Marguerite Cateau. Hard Times est publié aux éditions Amsterdam dans une traduction de Christophe Jacquet.